songe sur la terre, chapitre 18. Amour et guitare. Dans la soirée de ce même jour, les habitués de la tertulia de la marquise remarquaient avec étonnement chez sa fille une préoccupation tout à fait en dehors de ses habitudes. Elle ne quittait pas la porte des yeux et un imperceptible mouvement d'impatience dénotait son désappointement à l'entrée de chaque visiteur qui n'était pas la personne qu'elle attendait. La porte s'ouvrit avec fracas de part en part pour donner passage à Martial qui apparut dans toute sa gloire, les pantalons bien tirés et la taille si serrée dans son frac qu'il semblait marcher tout d'une pièce. Un geste d'impatience et un insensible froncement de sourcils de reine saluèrent l'entrée de son cousin et, pendant qu'il allait saluer sa tante, Reine appela sa petite chienne et la fit coucher sur une chaise qui se trouvait à côté d'elle, dans l'intention bien marquée d'empêcher Martial de s'y asseoir. Mais un tel obstacle était bien peu de chose pour celui-ci, qui prit une autre chaise et s'assit aussi près que possible de sa cousine. Reine l'accueillit par un bâillement qu'elle dissimula derrière son éventail. « Mon ami Tiburcio Civico ne viendra pas ce soir, » dit-il tout à coup, d'un air qui tenait le milieu entre le dépit et l'ironie. « Que m'importe ? » répondit Reine. « Ce soir, » poursuivit Martial d'une voix sourde qu'il faisait résonner comme une corde de basse. « La place est libre pour les gens sans valeur, puisque les gens de valeur sont absents. Quelle mouche te pique, Martial, avec tes gens sans valeur et tes gens de valeur, ton Tiburcio par-ci, ton Tiburcio par-là. J'en ai par-dessus la tête, de toi et de ton Tiburcio. Tu as beau jouer l'indifférence, cousine, tu me comprends fort bien, mais tu seras trompée dans ton espoir. Au lieu de venir ce soir rendre hommage à tes charmes, l'homme de valeur assiste, en sa qualité de socialiste, à un club humanitaire composé d'éléments de toutes les nations. Aimes-tu les socialistes, cousine ? Je les déteste, cousin. Et les exaltés ? Je les hais. Et les modérés ? Je les abhorre. Et les carlistes ? Je ne puis pas les sentir. Tu n'es donc d'aucun parti ? Si fait, je suis de mon parti. Et quel est-il, s'il vous plaît ? Le parti des muets, Martial, et je t'invite à y entrer le plus tôt possible. Ce parti est illusoire, fantastique, fantasmagorique. S'il existe, il faut te dépêcher de l'envoyer à l'école de l'abbé de l'épée. Non pas, Martial. Je trouve, moi, que c'est le parti le plus raisonnable, en ce qu'il fait le moins de bruit. Car, comme le dit fort bien Don Domingo, quand tout le monde parle à la fois, personne ne s'entend. Si tu es de l'école de Domingo, je ne m'étonne plus de ton opinion. Que veux-tu dire par là ? Est-ce un logogriffe comme ceux du monde illustré que tu me donnes à deviner ? Les dimanches ne sont-ils pas des jours de fêtes immobiles ? Eh bien, les idées de ton ami le sont pour le moins autant. Mais tu auras beau faire, le parti du silence ne trouvera pas de sectateurs dans notre siècle d'assemblées et de clubs. Note du traducteur. Jeu de mots sur Domingo, le prénom, et Domingo, dimanche. Fin de la note. Je comprends que tu ne veuilles pas t'y affilier, Martial. Le jour où tu ne pourras plus parler, discuter, pérorer et déclamer, pour me mettre à la hauteur de ton style, tu t'enlèveras dans les airs comme un ballon gonflé par tes sublimes idées qui ne trouveront pas d'issue pour se répandre. Laissons là, répliqua Martial, une question trop au-dessus des faibles conceptions de la femme, question qu'elle ne peut ni comprendre, ni apprécier, ni définir. Vous autres, filles d'Ève, vous serez éternellement belles, séduisantes, tentatrices et pécheresses comme votre mère. Contentez-vous de votre rôle et ne vous mêlez pas de politique. C'est une matière que vous défend de traiter votre incapacité morale. Vous vous trompez, Martial, s'écria la joyeuse Flora, intervenant dans la conversation. Voulez-vous que je vous définisse les parties? Je serais curieux de voir ce sujet traité par la déesse des fleurs, répondit galamment Martial. Soyez tranquille, je ne sèmerai pas ma définition de trop de fleurs, de rhétorique. Attention, et remarquez avant tout que nous sommes en Andalousie, pays des brunes beautés, des oranges parfumées et des comtes, plus ou moins épicés. Or donc, dans cet heureux pays, un coq régnant dans une basse-cour, une oie au superbe plumage, rechercha l'amitié de ce coq. Ce n'était pas une oie d'une race commune. Elle avait navigué dans les eaux de l'océan Pacifique, s'était plongée dans le puits de la science et avait barboté dans la mare du savoir. Sa démarche était peu gracieuse, mais en revanche, elle avait de la dignité. Sa voix n'était pas mélodieuse, mais elle était forte et se faisait entendre au loin. Cette oie ne tarda pas à prendre un grand empire sur le roi de la basse cour et finit par lui persuader de couper d'abord sa crête, chose à son avis fort ridicule et fort gênante, puis ses éperons, chose tout à fait inutile. Dans l'effusion de son amitié, le coq subit sans murmurer cette métamorphose, puis ils sortirent ensemble pour faire un tour de promenade. Le coq, animal très confiant, laissa ouverte, en sortant, la porte de la basse cour. Quand ils revinrent, le coq, en regagnant son perchoir, vit tout à coup briller dans l'ombre deux lumières étincelantes, et ces lumières n'étaient autres que les deux yeux d'un chat qui s'élança sur lui et la lutte commença. Mais hélas, plus de crête pour signaler le danger, plus d'éperons pour se défendre. En animal prudent, la commère oie, au lieu de voler au secours de son ami, s'était précipitée dans une mare et se contentait de crier « Quand, quand, quand ! Passe, passe, passe !» Flora, dit Martial d'une voix caverneuse qui semblait sortir de dessous terre, « votre conte est une sanglante et ridicule satire. »« C'est un conte qui vaut son pesant d'or, » répliqua Flora en riant. C'est un conte subversif de toute morale, antisocial et profanateur. Il manque de dignité et de logique. Quand je serai au Cortés, je proposerai une loi pour censurer les contes. Je suis plus libéral que vous, Martial, répliqua Flora en riant, et j'accorde, dans mon empire, liberté entière de parfums et de contes. Fabian, dit Martial à celui-ci, qui venait d'entrer. Viens donc m'aider à combattre cette moqueuse de Flora. De la fleur, elle n'a conservé que les épines, et elle vient de faire la plus sanglante satire de l'espèce humaine. Suivant elle, nous sommes ou des coqs imbéciles ou de stupides oies. Vous allez trop loin, Martial. Mon petit conte n'a pas tout à fait cette signification. Et je veux bien admettre qu'en dehors de cette grande famille d'oies, il puisse y avoir quelques signes. Mais si vous prenez la chose tantôt tragique, vous me feriez croire qu'il peut aussi y avoir quelques dindons. Grâce, grâce, s'écria Martial, je me rends à merci et j'implore mon pardon. Diable, ce petit David serait capable de me lancer sa fronde à la figure. Je regrette, poursuivit-il, en se tournant du côté de Rennes, tandis que Flora répétait son conte à Fabian. Je regrette de t'avoir fait passer un mauvais moment en te disant que l'homme de valeur ne viendrait pas ce soir. Bien que tu n'aies pas l'air de me comprendre, tu sais fort bien de qui je veux parler. En vérité, Martial, tu es ce soir encore plus ennuyeux qu'à l'ordinaire, avec tes énigmes. Tu ne sais peut-être pas que l'homme de valeur, c'est ce Tiburcio Civico, ce socialiste, cet antipode de la beauté qui t'a inspiré, Dieu seul sait pourquoi, une sympathie incompréhensible, inconcevable, inexplicable, inqualifiable. Es-tu fou, Martial ? Dans l'intérêt d'un bon gouvernement, poursuivit celui-ci, il y a des goûts, ainsi que des comptes, qu'il faudrait proscrire. Me préférer, à moi, Martial, ce misérable avorton ? Qu'est-ce que tu me chantes avec tes préférences ? Je te le dis franchement, Martial, s'il faut choisir entre vous deux, je ne prendrai ni l'un ni l'autre. Tu l'as cependant appelé Anthony. Moi ? Où as-tu pris semblable sottise ? Si je lui ai donné un surnom, c'est celui de Magot de la Chine. Martial se leva vivement. « Que m'avait donc chanté ce Machiavel de Gennaro ? » murmura-t-il entre ses dents. « Il faut que j'aille conter la chose à Fabiane, afin de le convaincre de l'astuce et de la ruse de ce renard subtil. » Martial venait de s'éloigner lorsque Gennaro entra et vint saluer Rennes. « Je prends bien part à votre chagrin, lui dit celle-ci d'un ton presque triomphant. « Je n'en crois pas un mot, répondit Gennaro. Rennes, qui s'était remise à causer avec Flora, retourna vivement la tête. « Et pourquoi ? S'écria-t-elle. « Parce que vous ne pouvez savoir ce que c'est que le chagrin, ni pour votre compte, ni pour celui d'autrui. « Merci bien. En ne qualifiant vos paroles qu'avec la plus grande indulgence, ceci peut s'appeler une impertinence. « Oui, oui, c'est de ce nom qu'on appelle la vérité, quand on ne veut pas l'entendre. « Je voudrais bien savoir, dit Rennes avec hauteur, la raison qui vous fait vivre dans cette illusion que vous possédez les clés du sacristain. » Note du traducteur. « Posséer las llaves del sacristán. » Proverbe, en savoir plus que tout le monde. Fin de la note. Vous me parlez ainsi parce que je ne vous flatte pas, comme ceux qui composent votre cour, parce que je ne conduis pas sous votre balcon, à l'effroi de tout le quartier, une armée de musiciens, comme le magnifique colonel Astorga, parce que je ne soupire pas amoureusement, comme le comte de Nabia, parce que je ne maigris pas, comme ce caméléon de Villamar qui prétend que les cœurs aristocratiques sont plus durs que les fers de la forge paternelle, parce que je ne fais pas des vers comme votre poète lauréat. Reine des cœurs, tu répands tant de loyauté. Taisez-vous, taisez-vous ! Exclama Reine, devenue rouge comme une pivoine. Si vous ajoutez un seul mot de ces ridicules vers, foi de reine, je quoi ? Dit en riant Gennaro, qui s'assit à côté d'elle. « Je vous défendrai de remettre les pieds ici. » « Et que prouverez-vous ainsi ? Que vous êtes une reine despotique ? Et vous ferez mentir les vers de Martial ? Puisqu'en me bannissant, vous ne déploierez pas cette loyauté qui fait que vos esclaves ne veulent pas recouvrer leur liberté. »« Gennaro, je vais appeler ma mère !» exclama Reine furieuse. « Qu'y a-t-il donc, et qu'avez-vous à vous chamailler ainsi ?» demanda Martial, qui se retourna au cri de Rennes. « Martial, voici l'occasion, la véritable occasion de crier « Quand, quand, quand, paf, paf, paf !» dit Flora. « Je te fais juge, Martial, dit Gennaro. Rennes désire que tu fasses imprimer les vers que tu as composés pour elle. Et parce que je lui faisais observer, que ce désir accuse une soif immodérée de vous faire briller tous les deux, elle s'est fâchée contre moi. Et elle a raison, dit Martial. Pourquoi traiter d'immodéré un désir aussi naturel? Vois-tu, disait Reine à Flora, en essuyant des larmes de dépit, vois-tu comme il me provoque, comme il me traite? Avec quelle impudence il me raille? Quelle ruse infernale il emploie pour me faire sortir de mon caractère et mettre les rieurs de son côté? Cela est-il tolérable? Pourquoi t'en tourmenter? Pourquoi faire attention à lui? Répondit Flora. N'y a-t-il pas dans ce salon cent autres jeunes gens qui se mettraient en quatre pour te faire plaisir? C'est lui qui vient me chercher. Non pas, car quand il est venu te saluer, Tu as ôté ton petit chien de la chaise sur laquelle il dormait, comme pour indiquer qu'il y avait de la place à ton côté. Je l'ai fait par distraction. Et pour réparer ma faute, puisqu'il s'est assis, je vais me lever. Viens-t'en au piano, tu nous chanteras El Mocito del Barrio. L'enfant du faubourg. Toutes deux se levèrent et traversèrent l'estrade, gracieuses et légères comme deux nymphes. Flora se mit au piano. « Allons, soldat des baies, » dit Martial, « suivons l'attraction de la beauté, l'aimant féminin, le courant de l'élégance. Où va la reine, va la cour. Où va Flora, vont les papillons. » Pendant que Flora chantait, Martial, qui n'aimait pas la musique et encore moins l'obligation de rester muet, disait à demi-voix à Renaro « Antipode de la vérité, antithèse de la sincérité, enfant chéri du mensonge, comment as-tu m'affirmer sérieusement cette chose, pleine de duplicité, à savoir que Rennes avait appelé Tiburcio Anthony ? Tais-toi, Martial, n'entends-tu pas qu'on chante ? Je ne me tairai pas, renard subtil. Quand je veux parler, rien ne saurait me faire taire, pas même la sonnette du président, si je faisais partie du congrès. Fut-elle du calibre de la cloche de Glasgow ?»« De Moscou, » rectifia Renaro. « De Glasgow, je l'affirme, » dit Martial. « Et il me semble que je dois le savoir. Crois-tu, par hasard, avoir affaire à l'ange du silence, comme Fabian appelait la grimace ? Je parierais qu'il a pillé cette comparaison dans un poète français. »« Sans doute, » répondit gravement Renaro. Elle appartient à Paul de Kock. J'en étais sûr, mais je ne savais pas si c'était Paul de Kock ou Lamartine. Ainsi donc, mon garçon, ajouta-t-il en prenant un ton élégiaque, le fatal moment du départ est arrivé, comme dit Hatzenbusch dans Les Amants de Teruel. C'est Arriaza qui l'a dit dans une romance. Hatzenbusch dans Les Amants de Teruel, affirma Martial. Mais comme tu es la dissimulation en personne, un Machiavel perfectionné, sur ton jeune visage on ne lit aucun sentiment de tristesse. Tes suppositions sont tout à fait erronées, et tu te trompes, infaillible Martial. Moi, me tromper, m'enferrer, cela est bon pour l'ami Tiburcio, mais non, je retire mes paroles. Un calembour aux dépens de l'amitié, fi, c'est déloyal. Vulgaire et indélicat. Mettons que je n'ai rien dit. Je ne suis pas homme à sacrifier un ami à un bon mot. Martial, n'entends-tu pas qu'on chante ? Lui dit sèchement Rennes pour faire retomber sur Renaro la moitié de son blâme. Parler quand on chante, c'est faire preuve non seulement de manque de goût, mais de manque d'éducation. Flora achevait de chanter et Martial put répondre. « Pardonne-moi, cousine, c'était par distraction. Et d'ailleurs, je suis un homme trop positif pour être mélomane. »« Positif, à ton âge !» exclama Fabiane. « Au nom de Dieu, n'emploie donc pas cette expression prétentieuse récemment importée en Espagne. Elle me déplaît, au point que je voudrais voir condamner à l'amende quiconque s'en servirait. Songe donc, ô amant de l'idéal, qu'il me faut renoncer à cette capricieuse déesse, puisque je veux être députée. Il me faut quitter les sentiers du Parnasse pour les chemins vicinaux, abandonner le culte des muses pour la culture des champs, repousser l'inspiration pour me livrer à la discussion, cesser de chanter pour parler. Mais, la main sur la conscience, est-il bien possible que toi, un poète, tu puisses aimer la musique, cet ennemi mortel de la poésie, qu'elle se complète à estropier ? Ne pas aimer la musique ? Exclama Fabiane. Mais si la poésie est le langage du cœur, la prose l'expression de l'esprit, la musique est le concert de l'âme. Loin de l'estropier, la musique est à la poésie ce que l'expression est à la physionomie. Que veux-tu, mon enfant ? Moi ? La musique me déplaît, répliqua Martial. Ce qui se dit en chantant n'est ni clair ni concis, et manque de sens commun. Si j'avais été le chien Cerbère, je te jure que je n'aurais pas empêché Orphée d'emmener sa femme Bérénice. Eurydice, rectifia Fabiane. Bérénice, affirma Martial. Encore un coupé del morcito del barrio, disait Gennaro en s'appuyant sur la chaise de Flora restée au piano. Ou bien, chantez-nous ces couplets que Martial a composés pour Rennes. Je suis sûre qu'ils iront sur l'air. Non, non, répondit Flora en riant. Rennes a abdiqué sa royauté. Elle se fait scrupule d'éclipser la lumière. J'aime bien mieux vous chanter ce couplet de circonstance. Lequel souffre le plus, de l'amant qui s'en va ou de celui qui reste? Ma chère Flora, répliqua Gennaro, une dame anglaise, Mistress Trollope, n'a-t-elle pas écrit ceci quelque part? Le souvenir du passé ne sert à rien, sinon à répandre l'amertume dans les joies du présent. Chantez donc, gai rossignol, et faites-nous entendre cette voix qui va au cœur. Vous parlez de cœur, savez-vous seulement ce que c'est? Dit Rennes, qui, tout en causant avec d'autres, n'avait pas perdu un mot de la conversation de Flora et de Gennaro. Les cœurs ne sont pas mes vassaux, et je ne me flatte pas de les connaître aussi bien que leur reine, répliqua celui-ci. Martial, exclama Rennes furieuse, si tu as le malheur de me faire encore un seul vers, nous nous brouillerons pour la vie. Être exposé en vers au regard du public, c'est un supplice plus cruel encore que celui d'être honteusement exposé au pilori de l'infamie. Peste, cousine, comme tu y vas! Si toutes les belles, les jeunes, les gracieuses et les amoureuses étaient de ton avis, que nous resterait-il donc à chanter, à nous autres poètes, les vieilles, les laides, les rachitiques et les paralytiques? Voilà ce qui s'appelle parler raison, disait Gennaro à Rennes, pendant que Martial s'escrimait à défendre ses vers. Les femmes ne devraient jamais vouloir être belles que pour leurs amants. Et c'est sans doute à cause de cela que vous aimiez la grimace, répliqua Rennes d'un ton moqueur. Pour cela même, répondit fièrement Gennaro. Mais son père, qui a eu connaissance de cette belle passion, poursuivit Rennes du même ton, n'a pas été du même avis que sa fille, et pour couper court à vos amours, il l'a emmenée à Cadix. Vous pouvez donc les mettre au nombre des trépassés. Je ne les ai jamais considérés comme destinés à vivre longtemps, répondit Gennaro d'un ton calme. La pauvre enfant n'en a pas pour un an à vivre. Jésus, avec quelle tranquillité vous dites ça? Aussi tranquillement qu'on parle de choses qu'on sait depuis longtemps. Alors vous ne l'aimiez donc pas? Je l'aime comme une sœur. Elle croyait autre chose. J'en suis fâchée. Mais c'est une infamie. Que voulez-vous que j'y fasse? Que je m'en aille courir le monde comme un héros des contes de fées à la recherche de l'élixir de longue vie? Ce n'est pas répondre. Vous êtes un cœur de marbre, un homme affreux. Votre amie ne me trouvait pas telle? Parce qu'elle ne vous connaissait pas à fond, comme moi. Malgré la profondeur de vos connaissances, il est encore bien des choses que vous ne connaissez pas. Elles ne doivent pas valoir grand-chose, car vous les cachez bien soigneusement. Je ne les cache pas parce qu'elles sont mauvaises, reine. Eh bien, alors pourquoi les cachez-vous? Parce qu'il me plaît de les cacher. Espérons qu'un jour nous connaîtrons les mystères de la montagne en travail. Voudriez-vous les connaître? Moi, je suis trop fière pour être curieuse. Ou trop égoïste pour vous intéresser à rien. Voyez-vous, ce Gennaro, il n'y en a que pour lui, disait Martial à Flora. Je parie que cette audience prolongée cause un mortel ennui à notre souveraine. Je ne suis pas de votre avis, répliqua malignement Flora, et je ne vous invite pas à aller mêler vos cancans paf-paf à leur conversation. Serais-tu jaloux, Martial? Demanda Fabiane. Jésus, comme un Pétrarque! Un tétrarque, Martial. Un Pétrarque, mon petit savant. Je sais ce que je dis, peut-être. Mais dans tous les cas, je ne le serai pas de ce pauvre garçon qui n'est ni de taille ni de force à aller sur mes brisées, le voulut-il, ce que je n'ai garde de croire. Néanmoins, si l'étoupe se trouve trop près du feu, le diable pourrait souffler dessus. Et pour plus de sûreté, je vais le rappeler au souvenir de sa bien-aimée. Renaro, poursuivit-il, en s'approchant de ce dernier, que fait à cette heure cette douce enfant qui a passé parmi nous comme une blanche fleur sans épines, laissant après elle un souvenir parfumé? Bon, dit Rennes, quand elle était ici, tu n'y faisais pas attention, et maintenant tu ne trouves pas assez de paroles pour chanter ses louanges. C'est un intérêt rétrospectif, répondit Martial. Quand je pense à la grimace, je vois la vivante personnification de ces sentences indiennes. Mieux vaut être assis que debout, couché qu'assis, mort que couché. Douce fleur des tropiques, ajouta Fabiane, avec ce regard vague dont il fixait dans son âme de poète les images qu'évoquait la fantaisie ou que reflétait le souvenir. Éloignée de son climat brûlant, elle a conservé quelque chose du mystère de ses forêts natales. Elle se flétrit sur ce sol étranger, où il lui faudrait un palais de cristal pour préserver du froid sa nature de sensitive. « Bien parlé, Fabiane !» s'écria Flora. « La pauvre enfant, il faudrait la tenir en serre chaude. Et son monstre de père l'a conduite dans cette glacière de Cadix. Tyran, assassin !»« Eh bien, dit Rennes à Renaro, il ne manque plus que vous pour composer la quatrième strophe de cet hymne à la louange de la grimace. » « Je l'écrirai, répondit Renaro à voix basse. « Fort bien, et si vous ne savez comment faire parvenir votre lettre, je la mettrai dans une des miennes, ajouta Rennes d'un air indifférent. « Je vous l'apporterai demain. « Je vous préviens cependant, ajouta Rennes, que je ne manquerai pas de faire connaître à mon amie le cas qu'elle doit faire de votre missive. « Si vous étiez seulement capable de comprendre l'amour, reine, puisque vous êtes incapable de l'éprouver, vous sauriez que ce serait prendre une peine inutile. « Pourquoi ? Pourquoi, reine ? Parce que la voix de l'homme aimé a tant de pouvoir sur la femme qu'elle refuse d'en écouter une autre. Quelle fatuité ! Ce pouvoir, il ne faut pas l'attribuer au mérite de l'homme, mais à la force de l'amour, tel que Dieu a voulu le mettre dans le cœur de la femme. Mais à quoi bon vous ennuyer? Tout cela est pour vous lettre close, et je ne veux pas l'ouvrir. Ouvrir quoi? Demanda Martial en s'approchant. Tu es trop curieux, répliqua Rennes.